Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en salle de X-Men Origins, redécouvrez X-Men l'affrontement final en DVD Blu-ray. Dans le chapitre final de la trilogie X-Men, les mutants affrontent un choix historique et leur plus grand combat. Un traitement leur permet désormais d'échapper à ce qu'ils sont. Depuis l'aube des temps, de grands bouleversements. L'une de ces convulsions est désormais imminente. À ceux qui prétendent nous guérir, je réponds que le remède, c'est nous. Un conflit naîtra entre les anges du bien et du mal qui nous constitue. Un conflit dont l'issue ébranlera notre monde. Jusqu'au point de non-retour. La victoire est-elle possible? Je l'ignore. Mais je sais qu'un grand sacrifice sera nécessaire. Le destin de la multitude dépendra d'une élite. Nous devons prendre parti. X-Men, l'affrontement final, un film réalisé par Brett Ratner, disponible en DVD et DVD Blu-ray, un DVD Fox Pathé Europa.